Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. Mois de juillet dernier, la version française de Wikipédia a dépassé les 2 millions d'articles en ligne. Aujourd'hui, l'encyclopédie participative est le cinquième site le plus consulté au monde. Elle possède des versions dans près de 300 langues avec un total qui tourne autour de 40 millions d'articles publiés. Bref, Wikipédia est devenu un objet incontournable. Mais est-ce que le terme d'encyclopédie s'applique encore? Quelle est la ligne de crête entre la contribution collective et la précision des savoirs? Wikipédia est-il devenu autre chose, un commun, un espace collectif gratuit et égalitaire, ou au contraire le lieu de la controverse et de la politisation des connaissances? Wikipédia, chacun sait ce qui lui plaît, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélanie Dulonde-Ronet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche CNRS, chercheuse en droit et technologie spécialisée dans l'étude des biens communs numériques. Bonjour Lionel Barbe. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez co-dirigé cet ouvrage collectif Wikipédia, objet scientifique non identifié avec Louise Merzeau et Valérie Schaffer. C'est aux éditions des presses universitaires de Paris-Ouest. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en direct sur France Culture, en podcast sur franceculture.fr ou sur votre application préférée et en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc où nous allons comme chaque jour poster un certain nombre de liens de références qui seront abordés ou en complément de l'écoute de cette émission d'aujourd'hui. Mais nous allons donc parler longuement, abondamment de la nature exacte de cette nouvelle forme de collecte du savoir qu'est Wikipédia, s'il s'agit à proprement parler d'une encyclopédie ou d'autre chose, d'une nouvelle forme de consignation et de transmission des connaissances. Mais avant de lâcher ce mot maudit de disruption, il nous a semblé bon de replonger dans l'histoire et en l'occurrence dans la façon dont l'encyclopédie première du nom, celle de Diderot et d'Alembert, fut accueillie fraîchement, vous allez l'entendre, au moment de sa publication. Lorsque parut en juillet 1751 le premier volume de l'encyclopédie, de ce grand dictionnaire des arts et des sciences dont Diderot et d'Alembert dirigeaient la publication, les critiques et les pamphlets fusèrent de toutes parts. L'entreprise était immense, on s'aperçut bientôt qu'elle était audacieuse. La hardiesse de certains articles ne tarda point à inquiéter les esprits hostiles aux idées libérales et au libre examen. On trouvait inquiétant pour la monarchie absolue l'article « autorité politique », dangereux pour le dogme les articles tels que « âme »,« aristotélisme ». Un adversaire redoutable de l'encyclopédie allait se dresser. Jean-François Boyer, ancien évêque de Mirepoix, ancien précepteur du Dauphin, premier aumônier de la Dauphine, membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences et de l'Académie des inscriptions, et par surcroît détenteur de la feuille des bénéfices. C'est ce haut personnage qui avertit Louis XV des tendances suspectes de l'encyclopédie. Il en fit part également au chancelier de Lamoignon et au fils de celui-ci, Lamoignon de Malesherbes, qui venait d'être nommé au poste délicat de directeur de la librairie. Malesherbes, tout favorable qu'il fût aux idées nouvelles, ne put refuser de donner satisfaction à Boyer, et l'on décida que tous les articles devraient dorénavant recevoir l'imprimatur théologique de 3 censeurs désignés par la direction des affaires ecclésiastiques. Désormais, l'encyclopédie allait être étroitement surveillée. Voilà, extrait de L'heure de culture française par Pierre Gros-Claude. C'est à la radiodiffusion française en 1956. Finalement, quand on entend cette archive qui parle de l'encyclopédie d'Alembert et de Diderot, on n'est pas très loin de certains reproches, de certaines volontés de contrôle qu'on a pu connaître dans l'histoire même plus courte et plus récente de Wikipédia, Lionel Barbe. Oui, alors disons qu'évidemment, c'est souvent le cas en matière d'innovation, surtout le mot que vous avez prononcé, entre guillemets, disruptive, en tout cas pour dire un mot à la mode, c'est-à-dire des innovations un peu de rupture. Il faut rajouter que, si je cite d'Alembert en 1751 dans l'introduction à l'encyclopédie, il disait lui-même « J'assume de mon œuvre la qualité variable des articles, la structuration imparfaite, la difficile représentativité des disciplines ». Autrement dit, on y est tout à fait aujourd'hui avec Wikipédia. C'est intéressant parce que finalement, toute nouvelle forme de recollection du savoir est par nature un bouleversement intellectuel, social, culturel. Mélanie Dulandrenet. Oui, et le bouleversement en termes de contrôle de la qualité ou de certification de la connaissance, c'est que contrairement à ce qui vient d'être dit, il n'y a pas d'imprimatur. Il n'y a pas un chercheur ou un professeur qui va valider un contenu. Donc le mode de production et le mode de référence, ce sera la source. Il y aura le point de vue, il y a la méthode du point de vue neutre et avoir une source. Et n'importe quelle personne sans crédit universitaire peut donc. C'est pour ça que Wikipédia a été appelée la République des sciences démocratisées, par exemple, dans un article. Oui. Alors, il y a tout de même, évidemment, non seulement de l'histoire et des siècles, mais aussi une différence fondamentale dans l'écriture, dans la rédaction, dans la structure même de cette recollection de savoir entre l'encyclopédie savante, l'encyclopédie d'experts, et ce que va être Wikipédia, ce dont on va parler aujourd'hui, Lionel Barbe. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a identifié dans Wikipédia ce qu'on peut appeler des paradoxes, mais qu'on retrouve souvent, encore une fois, dans les innovations de rupture. Plusieurs paradoxes. Le premier, c'est que tout le monde la critique, mais tout le monde l'utilise. Bon, on pourrait y revenir. Le deuxième, c'est qu'on a dit que c'était finalement une encyclopédie des ignorants. Mmh. Je crois que l'expression est de Dominique Cardon. Et donc, ça paraît bien sûr paradoxal. Le troisième paradoxe, en apparence, tout le monde peut participer, mais en fait, il est relativement difficile de contribuer à Wikipédia. On pourra y revenir également. Et quatrième paradoxe, on a parlé d'un consensus impossible, c'est-à-dire que, évidemment, on ne peut jamais mettre tout le monde d'accord, et donc, comment on fait dans ce cadre? Bon, voilà, vous venez de faire le plan de l'émission, c'est parfait, on va le suivre, on va le dérouler. Peut-être, j'aimerais qu'on commence peut-être par rappeler un peu les origines de Wikipédia, d'où ça vient, quelle en est l'histoire, comment est-ce que commence cette aventure qui veut s'y coller. Lionel Barbe. Oui, alors c'est une histoire justement aussi assez singulière, hein, puisque ça commence en 1996, vous avez Jimmy Wales avec deux de ses compatriotes américains qui va fonder un portail qui s'appelait BOMIS, qui était un portail en fait qui proposait notamment des images, et pour tout ne rien vous cacher, notamment des images érotiques. Mm-hmm. Et puis bon, ça marche relativement bien, et c'est quelqu'un qui était quand même relié aux communautés un petit peu du libre, de logiciels libres, etc. On est en 96, hein. 96, et donc en 98, si je ne m'abuse, il va avoir cette idée d'encyclopédie, mais au départ une encyclopédie finalement classique en ligne avec un comité de validation par des experts, Nupédia, donc, qui va être lancé. Et puis ce qui se passe, pour faire vite, hein, bien sûr, mm-hmm. c'est que au bout de 2-3 ans, donc on est à peu près en 2000, il s'aperçoit que Nupédia n'avance pas, le processus de validation est très long. Et puis, il entend parler de ce nouveau logiciel en ligne, le Wiki, qui donc permet l'édition spontanée des articles. Et ça l'intéresse, et il en discute notamment avec Larry Sanger, donc le co-créateur de Wikipédia, qui l'embauche, hein, qui était donc le rédac-chef de Wikipédia. Et donc, certains articles de Nupédia vont se retrouver au début de Wikipédia. Et il dit lui-même, donc il l'avait dit, je crois, à une conférence TED en 2005, il dit « J'ai rassemblé une ragtag band », c'est-à-dire, bon, on voit bien, peut-être des informaticiens, peut-être des gens qui étaient un peu plus côté culture hippie, etc. Il dit « Je leur ai donné des outils ». Et ils ont créé Wikipédia. Donc on voit en fait quelque chose qui n'était absolument pas prévu au départ. C'est ce qu'il faut bien rappeler pour les gens qui ont connu les origines de Wikipédia et puis l'explosion du wiki au début des années 2000, c'est-à-dire le wiki c'était des pages web que tout le monde pouvait éditer. C'était une sorte de livre ouvert dans lequel chacun pouvait apporter, corriger, gommer, remplacer. Le wiki c'est bien un outil en fait. Voilà, hein, tout à fait. Numérique. Et en plus de votre excellente description, on préserve l'historique de toutes les modifications et aussi de toutes de toutes les discussions, de tous les débats, ce qui a fait controverse. Donc quand on consulte la page historique, on voit comment ce fameux point de vue neutre a pu se construire et quelle personne a négocié avec quelle autre, quelles ont été les disputes, les changements. Donc parfois il y a des guerres pour modifier une page avec il y a de nombreuses règles pour gérer cet espace de liberté pour notamment gérer les conflits. Et alors ce qui est intéressant, c'est que on a donc l'alliance finalement d'une volonté d'un contenu démocratisé, participatif et d'un outil qui va justement devenir finalement la structure, parce qu'aujourd'hui il y a certains autres wikis, ça sert beaucoup pour les fanbases, pour des univers, bref, etc. Mais Wikipédia est devenu l'étendard de ce nouvel outil en fait. Oui, presque devenu le synonyme en quelque sorte. Je pense que Wikipédia c'est même plus que ça, parce que finalement Wikipédia c'est la preuve qu'avec des outils numériques ouverts, on peut aboutir à un projet de très grande dimension, mondiale, créé par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, sans qu'il y ait un système de rémunération. C'est-à-dire qu'on se rapproche, en tout cas de rémunération pécuniaire, c'est-à-dire qu'on se rapproche bien sûr de la théorie des communs. Et si vous voulez, Wikipédia, d'une certaine façon, la preuve vivante qu'on peut faire participer, travailler même, hein, puisque c'est une forme de travail, des gens à une œuvre collective pour le bien commun. Alors on sait, et puis on va y revenir, hein, qu'il y a quelque chose autour de la loi des grands nombres qui conduit à une forme d'autorégulation, mais quand on est en 2000-2001, au tout premier moment de Wikipédia, eh bien il n'y a pas encore cette loi des grands nombres, c'est le début, c'est le balbutiement. Comment ça commence? Comment est-ce que ça prend? Pourquoi est-ce que ça fonctionne en fait, Wikipédia au départ, Lionel Barbe? Bien, moi j'ai identifié des grandes phases de développement de Wikipédia. La première phase, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler l'enfance. Donc c'est une phase de très forte incrémentation quantitative des contenus, avec une qualité qui, il faut bien le dire au départ, évidemment, est extrêmement variable, puisque tout le monde y va de sa petite phrase sur tel et tel sujet. Ça, ce sont les premières années. Il faut que ça grossisse. Et à partir du moment où, effectivement, où ça prend, il faut dire qu'il y avait quelques autres projets concurrents qui ont été absorbés aussi au fur et à mesure par Wikipédia. Par exemple? Il y avait GNUpédia, il y avait, puis après, il y a eu Citizendium. Bon, on pourrait y revenir, mais dans les années 2000, l'idée d'une encyclopédie en ligne était une idée qui était quand même, qui tournait dans les milieux liés au logiciel libre. Donc il y a eu cette première phase. À partir de 2006-2007, c'est expliqué notamment par Pierre Calle-Langlais dans notre... on a eu la phase référence nécessaire dans notre livre. Cette phase référence nécessaire, c'est celle dont parlait Mélanie tout à l'heure, c'est-à-dire il faut sourcer. Et à partir de là, on a eu un très fort virage qualitatif. Il faut bien marquer effectivement ce basculement, parce que dans ces premières années, Wikipédia a un peu une aura... on parle de 2001-2006, hein, dans cette phase d'incrémentation quantitative, on parle d'effet piranha. Oui, alors l'effet piranha, l'effet en fait qui fait que dès qu'on, par exemple, vous mettez la pomme est un fruit, bon, c'est l'exemple classique, hein, et à partir de là, une personne va dire la pomme est un fruit qui comporte tant d'espèces, puis à partir de là, quelqu'un va dire telle espèce a telle caractéristique, etc., etc. Donc c'est l'effet que ça attire de plus en plus de gens qui vont donc participer à cet article, se prendre de passion pour un sujet, et puis le développer. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, cette première partie, elle est marquée en tout cas par une vraie, et qui va durer longtemps, enfin qui va coller à l'image de Wikipédia, par une vraie ère de suspicion. C'est-à-dire que ce qui est sur Wikipédia, c'est bien, mais en même temps, faut faire attention. Et cette image-là, elle va coller quand même un bout de temps, Mélanie Dulondronnet, à Wikipédia. Oui, mais en fait, les Wikipédiens et les chercheurs qui se sont intéressés au phénomène ont rapidement démontré que le vandalisme ne pouvait pas diminuer la qualité des pages pendant longtemps, puisque dès qu'une modification un peu farfelue était opérée, immédiatement un éditeur ou un administrateur regarder les modifications, et c'était corrigé dans dans un laps de temps très, très court. Ça, c'est la question du vandalisme, c'est-à-dire la volonté de mettre dans Wikipédia des informations que l'on sait erronées, mais sur la nature des informations qui étaient recensées, il y avait aussi des soupçons de partialité, des soupçons de volonté de manipulation idéologique. Enfin, cette image-là, on en reparlera tout à l'heure, notamment auprès de l'enseignement, des chercheurs, même dans le secondaire, elle est quand même restée longtemps assez vivace. Oui, je pense qu'elle est encore... Parce que, si vous voulez, bon, d'une part, ce que vous avez dit sur les lobbies n'est pas complètement faux. Hein. Il y a un certain nombre de lobbies qui sont actifs sur Wikipédia, et c'est pour ça aussi que le système immunitaire de Wikipédia, comme le disait Mélanie, est extrêmement puissant, extrêmement efficient. Et par ailleurs, l'image qu'a Wikipédia, et on a un article dans notre livre qui en parle, est encore relativement dégradée dans l'enseignement. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater que, par exemple, moi, depuis quelques années, on me demande d'enseigner les pratiques pédagogiques en classe aux enseignants du secondaire avec Wikipédia. Donc par contre, au niveau, on va dire, de l'État, en tout cas des ministères, etc., l'image a changé. Il y a eu des partenariats avec le ministère de la Culture, il y en a eu d'autres. Donc en haut, l'image a changé, mais au niveau de l'enseignement, c'est variable. Voilà. Et moi, mes étudiants, au départ, parce que j'ai un atelier donc, sur Wikipédia depuis des années, souvent, au départ, ont une image encore un peu négative. Donc, je dois y travailler. Bon, pour avancer rapidement, pour conclure cette histoire, qui est quand même une histoire relativement courte, qui a une vingtaine d'années, donc on peut raconter vite. Vous le disiez, en 2007, il y a ce basculement qualitatif avec l'apparition référence nécessaire, c'est-à-dire aujourd'hui, quelque chose qui est constitutif et qui est absolument vraiment l'un des piliers de Wikipédia, c'est l'obligation de sourcer un article dans Wikipédia sans source, c'est un article qui disparaît. Tout à fait. Et qui disparaît très, très, très vite. On reparlera de cette notion. J'aime bien l'idée de système immunitaire, oui. Peut-être, Mélanie Dulondronais. Peut-être une prochaine phase serait la diversification des contributeurs. Depuis de nombreuses années, Wikimedia, la fondation, remarque que la majorité des contributeurs sont plutôt des hommes, plutôt jeunes, plutôt éduqués, plutôt situés dans les pays du Nord. Donc ça a une influence non seulement sur le contenu, mais aussi sur le choix des pages qui vont être rédigées. Donc un défi serait peut-être d'élargir la base des contributeurs. Exactement. On va revenir sur l'état actuel de Wikipédia, justement, des contributeurs, des articles, etc. J'aimerais qu'on finisse cette historique rapide par une autre date jalon, qui est là pour le coup une date jalon symbolique, Lionel Barbe, 2012. Les encyclopédies historiques, Universalis, Britannica, décident d'interrompre leur version papier éditée. Est-ce qu'on peut parler de victoire de Wikipédia ou est-ce que on est vraiment sur quelque chose de frontal, une opposition absolue à ces anciens modèles d'encyclopédie? Pas du tout. Je pense que Wikipédia aurait parfaitement pu cohabiter. Et d'ailleurs, il y a toujours la version en ligne d'Universalis avec les autres encyclopédies. Je pense parce que évidemment, il y a eu des discussions en 2000, effectivement. Je me rappelle très bien 2005, 2006. Il y a même eu une réunion entre des Wikipédiens et des gens de chez Universalis. Et les Wikipédiens étaient absolument ouverts, très positifs. Je crois simplement que c'est un modèle de structuration des savoirs qui peut-être effectivement a pris le relais d'un modèle qui, d'une certaine façon, était peut-être un peu dépassé. Mais c'est tout, il n'y a aucune opposition à la matière. Ce qui nous fait arriver à l'heure actuelle, 2018, à cette bascule des 2 millions, qui est un prétexte qu'on a utilisé pour parler de Wikipédia, ça fait un bout de temps qu'on voulait en parler dans la méthode scientifique, et vous écrivez, on peut lire dans votre ouvrage collectif, à l'heure actuelle, nous sommes dans une phase où le magma se solidifie, le nombre d'articles a tendance à diminuer dans les Wikipédia les plus avancés. Alors, la création du nombre d'articles, mais c'est remis en cause. On va dire que ça s'est stabilisé. Par contre, l'édition... On est autour de 30 millions au niveau international, sur toutes langues confondues, c'est ça? Sans doute. J'avoue que je n'ai pas le dernier chiffre en tête. Je vous fais confiance. C'est ce qu'on avait compté. 40 millions, pardon. 40 maintenant, oui, voilà. Bon, voilà. Ça va relativement vite. Ce qui se passe, c'est que par contre, l'édition sous IP a très fortement diminué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même un grand nombre de contributeurs qui sont des gros contributeurs. Édition sous IP, précisez. Donc, c'est-à-dire les gens qui vont juste modifier une phrase sans s'identifier, qui n'ont pas de pseudo. Voilà. Donc, la part des éditions sous IP a diminué. Le nombre de nouveaux articles, on va dire, est en stagnation, peut-être légère baisse à discuter. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on est dans une phase qui en appelle de plus en plus à ce qu'on pourrait appeler les experts. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h, bientôt 20 minutes sur France Culture, nous parlons donc de Wikipédia tout au long de cette heure en compagnie de Mélanie Dulond-René et de Lionel Barbe. Alors, vous venez de prononcer un mot intéressant, Lionel Barbe, c'est le retour des experts. On a commencé cette émission en disant finalement la différence entre l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est qu'on est passé d'une encyclopédie d'experts à une encyclopédie du grand public, à une encyclopédie populaire. Alors aujourd'hui, en 2018, c'est ce problème de taxonomie numérique en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que Wikipédia ? Est-ce que c'est vraiment à nouveau, finalement, avec la maturité, au bout d'une vingtaine d'années, une encyclopédie d'experts ? Est-ce que c'est autre chose ? Quelle est la nature des savoirs qui sont dispensés dans Wikipédia ? Est-ce qu'on peut les circonscrire ? Lionel Barbe d'abord, puis Mélanie Dulond-René sur cette question. Juste un mot, je voulais quand même préciser que quand je dis expert, c'est dans un sens relativement large. Par exemple, je vais inclure des Wikipédiens experts, c'est-à-dire des Wikipédiens qui connaissent très très bien les règles devenues effectivement très large, enfin relativement complexe, de Wikipédia. Voilà, donc ce ne sont pas forcément des experts d'une discipline, mais aussi des experts de Wikipédia. Donc ça c'est pour définir la notion d'expert, certes, mais aujourd'hui, du coup, comment définir cet objet de transmission, de collection des savoirs qu'est Wikipédia ? C'est pas très évident à définir, mais enfin, bon, ça correspond quand même assez bien à la définition d'une encyclopédie. Et d'ailleurs, ça a été mis en exergue par Pierre Lévy, qui avait fait un article sur le système épistémologique de Wikipédia. Et il faisait remarquer très justement que finalement, la structuration des savoirs sur Wikipédia est relativement classique. C'est-à-dire que vous retrouvez les grandes catégories de savoirs, vous retrouvez les biais classiques des sociétés occidentales, c'est-à-dire une vision un petit peu occidentalo-centrée. Vous retrouvez, comme l'a dit Mélanie, une très forte proportion d'hommes. Donc, on parle de 80% de contributeurs masculins. Oui, c'est ça, on parle de 80%, donc c'est quand même un déséquilibre qui est énorme, qui est peut-être aussi lié au fait que les racines de Wikipédia se rapprochent aussi du monde de l'informatique. Donc, vous avez aussi la question aussi du coup de la représentation des femmes sur Wikipédia, qui vous le savez, dont on va reparler tout à l'heure dans le reportage, sur le gender gap de Wikipédia, qui a fait aussi beaucoup de bruit. Mais bon, donc l'idée c'est de dire que bien sûr il y a un côté rupture dans cette innovation, mais qu'il y a aussi évidemment un côté continuité. Mélanie Dulond-René, votre opinion sur la nature exacte de cette entité qu'est aujourd'hui à Wikipédia ? Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Lionel. L'expertise aboutit un peu à une spécialisation des tâches et on n'a pas seulement la personne qui va emblématiquement créer un article de A à Z, un nouvel article. On a des contributeurs qui se spécialisent dans l'édition, dans l'administration, dans la définition des règles. Donc comme tu disais, il y a l'expertise de toutes les... Mais ça c'est l'expertise formelle. Voilà, d'accord, toutes les règles. Mais sur le fond, on dit souvent Wikipédia, finalement, c'est un savoir large, mais de surface. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui encore, Mélanie Dulond-René ? C'est difficile à dire. Je pense que ça dépend vraiment des articles. Il y a des articles qui sont créés par des doctorants, par des chercheurs et qui sont de qualité, qui sourcent des articles scientifiques. Je pense pas qu'on puisse généraliser et on trouve vraiment de tout. Mais en plus des articles, on peut aussi trouver différents médias. Il y a spécialisation peut-être. On n'a pas parlé encore de Wikimedia Commons. Avec des photos, aussi les informaticiens peuvent participer à des projets annexes comme Wikidata. Il y aurait une tâche sur la création de taxonomie. On va parler de la galaxie Wikipédia, tout ce que vous venez de définir. Pour le moment, je veux bien qu'on se cantonne à ce qu'est l'objet Wikipédia et on verra tous ces dérivés après. Mais on a souvent dit, mais c'est peut-être effectivement plus le cas maintenant, c'est pour ça que je vous interroge, Lionel Barbe, que le savoir dispensé par Wikipédia était un savoir assez généraliste qui évitait dans une certaine mesure l'expertise pour m'en servir comme source aujourd'hui pour préparer l'émission, notamment sur les sujets scientifiques et des articles de physique théorique qui sont extrêmement pointu. Oui, c'est une vision qui est aujourd'hui globalement fausse, même si on sait qu'il y a un certain nombre de champs qui sont mieux couverts que d'autres. Comme tout ce qui est lié aux sciences, tout ce qui est lié à l'informatique, évidemment. Mais moi, quand je montre aux profs du second degré d'histoire géo l'article sur la Révolution française, par exemple, qui est même pas un article de qualité, enfin, je n'ai pas vérifié récemment, je peux vous dire... C'est quoi un article de qualité ? Alors les articles de qualité sont des articles qui ont été, pour lesquels on a voté en considérant qu'ils respectaient un certain nombre de critères, donc exhaustivité. On a voté, c'est le, un collège la communauté, de Wikipédia. Voilà, une partie de la communauté, donc qui font partie d'un label, si vous voulez. Mais bon, vous avez des articles extrêmement détaillés sur Wikipédia. J'invite tout le monde à aller voir sur leur sujet favori. Je peux vous assurer que les gens sont surpris quand je leur montre. Et par ailleurs, vous avez de plus en plus de scientifiques, de doctorants, c'est vrai, mais aussi de chercheurs. Vous avez même à l'École Normale Supérieure un projet qui a été réalisé récemment avec une équipe en sciences cognitives sur un article qui en anglais s'appelle Temporal Envelope and Fine Structure. Il y a aussi une version sur la Wikipédia française. C'est tout un groupe interdisciplinaire et international à Normale Sup qui a développé ce champ. Et donc, c'est de plus en plus fréquent, si vous voulez. Il y a cette citation de votre ouvrage collectif qui dit évidemment ce n'est pas comme un livre fermé définitif, mais l'information y est beaucoup plus structuré qu'on ne le pense, finalement assez proche d'une encyclopédie classique. Pour l'anecdote, dans la version anglophone, en suivant à partir de n'importe quelle page le premier lien, on finit par tomber sur la page consacrée à la philosophie. J'ai essayé plusieurs fois, c'est pas vrai, moi je tombe toujours sur la page science, alors pourquoi? Parce que sans doute ça marche plus, mais néanmoins, science et philosophie. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, est-ce que l'âge de ce que vous appelez l'âge de la consolidation, hein, de ce magma qui se solidifie, c'est finalement le retour vers une forme plus vernaculaire, plus traditionnelle. Non pas vernaculaire, qu'est-ce que je dis, enfin, plus traditionnel du savoir encyclopédique aujourd'hui, de Wikipédia. Non, Lionel Barre ? Je pense que ça l'a toujours été, d'un point de vue... Il ne faut jamais oublier que Wikipédia est un espace de synthèse. Ce n'est pas un espace, en termes de connaissances, d'édition de connaissances donc inédites, hein, nouvelles. C'est un espace de synthèse qui est censé être représentatif de l'état de l'art, entre guillemets, à un instant T. Et il ne faut jamais oublier que Wikipédia... peut se voir plutôt comme un processus qu'un état effectivement clos, d'accord ? Wikipédia, c'est un processus permanent. C'est l'état à tel moment. Aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, Mélanie Dulandronnet, alors il y a évidemment un certain nombre de biais. Wikipédia, 80% d'hommes, très occidentalo-centrés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un panorama des usages de Wikipédia, à l'inverse, non pas tant des contributeurs, mais aujourd'hui de la façon dont Wikipédia est concrètement utilisé ? Le grand public, naturellement, puisque je crois que c'est le quatrième site mondial. Oui, j'avais vu cinquième, enfin dans ces zones-là, en tout cas. Ouais. Ça varie, oui, ou selon les zones géographiques. Donc, chaque requête sur votre moteur de recherche préféré, la page Wikipédia sera très haut dans les résultats. L'enseignement aussi, mais on a aussi les publics de chercheurs. Puisque, par exemple, en informatique ou si on prend le traitement automatique des langues, donc qui est une discipline qui va procéder à des analyses automatiques de textes, de corpus de textes, Wikipédia est le recueil de corpus parfait, puisque c'est multilingue, c'est structuré, il y a des balises, et surtout, c'est réutilisable librement, grâce à la licence Creative Commons, attribution, partage à l'identique. Donc, pour les recherches aussi sur la fouille de données, ou la définition de taxonomie, ou l'apprentissage automatique, c'est un matériau de choix. On vous l'avait évoqué l'un et l'autre, hein, c'est aussi un lieu, ça l'a été dès le début et ça l'est toujours, un lieu de controverse, c'est un lieu éminemment politique, c'est un forum, c'est une agora politique Wikipédia. Aujourd'hui, puisqu'on est dans cette nouvelle ère de l'information, ou plutôt de la distorsion de l'information, des fausses informations, de la manipulation de l'information, comment Wikipédia réagit à cette ère-là qu'elle ne découvre pas, contrairement au grand public, de ces derniers mois, mais depuis un petit bout de temps, Lionel Barre. Oui, alors c'est vrai que les enjeux sur Wikipédia sont devenus croissants, puisque Wikipédia, en général, est la première source d'information que l'on peut voir sur un sujet ou sur un individu, par exemple. Donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a des changements importants, par exemple politiques, comme ça a été l'an dernier, il y a un grand nombre d'articles qui sont créés. Et il y a évidemment la question de la représentativité, alors des sujets bien sûr, des personnes également, qui se posent. Il existe même maintenant quelques Wikipédiens qui sont déclarés des Wikipédiens, par exemple payés par des entreprises. pour venir, entre guillemets... faire du lobbying. Faire du lobbying, ou en tout cas essayer de... Bon, alors ils sont évidemment très contrôlés. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu cette belle expression, que je crois que c'est Alexandre Monin, qui est chercheur également, qui avait dit qu'on peut parler d'un parlement des choses au sens de Latour, Parliament of Things. Donc effectivement, c'est un espace où la discussion est permanente autour des sujets. Quels sont les articles aujourd'hui qui sont les plus sujets à controverse? Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce que finalement, vous parliez l'un et l'autre tout à l'heure du système immunitaire de Wikipédia. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système immunitaire, il est efficient à tout point sur le contrôle, justement, de ces tentatives de distorsion, de réappropriation, de politisation de l'information? Comme on l'a dit, Wikipédia est un point de tension. Donc, c'est une forme d'équilibre. Et c'est un équilibre qui est forcément un petit peu instable. Le système, dans l'ensemble, est très efficient. Simplement, il peut y avoir des moments relativement courts où on a un léger déséquilibre dans un sens ou dans un autre. En général, c'est assez rapidement remis en ordre. Alors évidemment, à l'exception de ce qu'on peut appeler les canulars ou les pastiches, c'est-à-dire ces articles, donc il y en a un qui a eu lieu il y a quelques mois, qui sont créés volontairement sur des sujets, mais cette fois qui sont des sujets extrêmement en bordure pour tromper un petit peu le système. Mais enfin, bon, ça reste vraiment très marginal. C'est le cas de ce qu'avait fait notre camarade Pierre Barthélémy, passeur de science sur Le Monde. Il en avait fait un billet pour son blog en créant le fameux article Léophane. On va vous mettre le lien vers ce papier qu'il avait créé. Aujourd'hui, justement, Mélanie Dulandronnet, sur ce système immunitaire, vous diriez qu'il est efficient à tout prix, c'est-à-dire que Wikipédia est aujourd'hui peut-être un outil de lutte contre ces formes de désinformation, en tout cas de rectification de l'information, justement du fait de la loi des grands nombres. Oui, et c'est vraiment cette méthode scientifique, excusez-moi, est vraiment la marque de Wikipédia, et c'est une méthode qui peut être exportée ailleurs dans le débat public comme technique solide pour arriver à un point de vue raisonné. Et effectivement, ces controverses et ces tensions permettent d'observer les différentes parties, les oppositions. Oui, c'est aussi un observatoire des controverses scientifiques, politiques, épistémologiques. Preuve de la réactivité de Wikipédia, on nous signale que l'émission du jour est déjà en ligne sur la page Wikipédia, sur le Wikipédia français. La question, c'est est-ce que ça va y rester longtemps, par exemple? Alors, c'est pas à moi de le dire, c'est au Wikipédien. Alors, le seul petit talon d'Achille qu'on peut indiquer, c'est l'histoire des fake news. Mm-hmm. C'est-à-dire que comme Wikipédia est basé sur les sources, évidemment, tout vient de la qualité des sources. Or, il arrive que des gens utilisent des sources qui sont fallacieuses pour venir dire, voyez, j'ai une source pour cette information, mais la source est fallacieuse. C'est pourquoi il y a eu, par exemple, des contacts entre les décodeurs du Monde, qui, eux, ont créé un système un petit peu de notation des médias, pour indiquer, notamment, par exemple, aux Wikipédiens, quel site peut être considéré comme fiable et quel site ne le sera pas. On espère qu'ici, à France Culture, tout se passera bien. On le souhaite, d'autant plus qu'on fait un certain travail avec les idées claires, on en reparlera tout à l'heure, sur la lutte contre les fake news et la désinformation. Non, ce qui est intéressant, c'est que ce système immunitaire, on voit bien qu'il fonctionne sur les grands sujets, sur les sujets populaires, sur les sujets qui prêtent à controverse, où il va y avoir une forme d'expertise collective autour du sujet abordé. Mais quand le camarade Pierre Barthélémy fait son article sur Léophane, c'est-à-dire que quand on est dans les recoins de certaines disciplines, là, pour le coup, cette contre-expertise collective, elle ne fonctionne plus tout à fait aussi bien. Oui, mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il va dans un tel recoin? C'est justement parce que s'il allait ailleurs, ça serait vu tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, son exemple est justement l'exemple qui démontre la fiabilité globale du système. Même si vous le savez, aucun système n'est à 100% fiable. Content, infinite content. Infinite Content d'Arcade Fire sur France Culture à 16h35, puisque bien c'est un peu le principe de Wikipédia, cette espèce de contenu infini, universel, interminable, sans cesse réactualisé. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui en compagnie de Mélanie Dulonde-Ronet, qui est chargée de recherche CNRS, chercheuse en droit et technologie spécialisée dans l'étude des biens communs numériques, et Lionel Barbe, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre et co-directeur de l'ouvrage collectif Wikipédia Objets Scientifiques non identifié. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons nous intéresser, cette fois, à Wikipédia comme objet d'étude. Et à commencer par notre doctorant du jour, comme chaque mercredi. Bonjour Léo Joubert. Bonjour. Vous êtes en quatrième année de thèse ex-Marseille Université au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Provence. Eh bien, bienvenue à La Recherche Montre en Main. On vous laisse vous présenter vos travaux, c'est à vous. Bien, merci de votre invitation qui me permet de présenter ma thèse dans laquelle je propose d'analyser sociologiquement la production de Wikipédia. Donc Wikipédia aurait rapidement pu devenir un chaos total si les contributeurs n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord, car tout le monde peut tout y modifier n'importe quand et n'importe comment. Or, quand on regarde les articles du wiki, ils sont en fait assez stables. Et le but de ma recherche est de comprendre comment ce consensus global a émergé. Donc la première chose à dire, c'est que les Wikipédiens ont déplacé la question du consensus. Plutôt que de se mettre d'accord sur le contenu d'une contribution, ils se sont mis d'accord sur les procédures qu'elle devait respecter pour être produite. Par exemple, une des règles les plus importantes s'appelle la neutralité de point de vue. Il y en a déjà été beaucoup question dans la première partie de l'émission. Cette règle stipule que lorsque vous publiez quoi que ce soit sur Wikipédia, vous n'êtes pas supposé écrire ce que vous pensez sur ce sujet, mais plutôt faire un bilan des sources existantes ainsi que des critiques dont elles font l'objet. Il devient donc assez facile de se mettre d'accord sur un texte. Si je ne suis pas d'accord avec vous, je n'ai qu'à utiliser une source divergente et l'insérer dans le texte de la page. Personne n'est ici d'accord sur le contenu de la contribution, mais tout le monde est d'accord sur les procédures qui ont permis de la produire, c'est-à-dire la citation d'une source crédible et légitime académiquement. Donc, en fait, comprendre la stabilité de Wikipédia, c'est comprendre comment les contributeurs adhèrent aux règles du wiki. Et pour répondre à cette question, je réalise des entretiens d'environ 2 heures. Où je pousse des contributeurs à me raconter comment ils en sont venus à contribuer. Donc, mes résultats sont encore en train d'être dépouillés, mais je peux déjà insister sur un point, à savoir le lien très fort entre la carrière professionnelle et la contribution. Par exemple, on ne comprend pas du tout la neutralité de point de vue de la même manière selon que l'on soit chercheur ou journaliste. Pour un chercheur, la neutralité n'a pas vraiment de sens. Il cherche à produire des choses inédites, innovantes, en développant des hypothèses au sein d'un paradigme scientifique. Pour un journaliste, au contraire, elle est constitutive de son identité professionnelle. Tous les points de vue sont supposés trouver une place dans un article de presse. Évidemment, il existe des journalistes partiaux et des chercheurs qui n'innovent pas, mais la définition qu'ils donneront à la neutralité sera marquée par la norme dominante au sein de leur espace professionnel. Ils prendront alors la responsabilité de se définir non neutre. Donc malgré leurs différences, des chercheurs et des journalistes contribuent conformément aux règles du wiki. Et à l'aide de mes entretiens sur une trentaine de contributeurs très différents les uns des autres, pas tous chercheurs et journalistes évidemment, j'observe à chaque fois ces allers-retours constants entre une vie de Wikipédien et une vie de travailleur. C'est pour cela que les individus qui nous racontent comment ils en sont venus à contribuer nous offrent des récits précieux pour comprendre comment se construisent les identités professionnelles contemporaines. La contribution à Wikipédia trouve une place dans la vie personnelle et professionnelle, on ne contribue jamais pour rien, et en retour, l'identification aux règles wikipédiennes modifie le rapport au travail et à l'emploi de la personne. C'est cette identification en évolution permanente qui assure le maintien de la motivation à contribuer à une œuvre collective dont on ne retirera aucune rémunération pécuniaire. Si je continue à contribuer, c'est parce que mes contributions portent en elles un peu de moi, parce que je suis engagé dans la contribution de quelque chose qui va au-delà de moi. Et c'est bien aussi parce que les contributeurs s'identifient aux règles que ces règles sont consensuelles, respectées et qu'elles garantissent la stabilité de Wikipédia. Et c'est aussi pour cela qu'étudier les contributeurs de Wikipédia et les règles auxquelles ils se subordonnent donne l'occasion d'apercevoir les mutations sociales contemporaines. Merci beaucoup Léo Joubert. Une réaction de nos deux invités. Ça va tout à fait dans le sens de vos travaux, Mélanie Dulonde-Ronet. Ce que vient de décrire Léo Joubert, c'est précisément un bien commun numérique dans lequel on investit chacun un peu de nous-mêmes et ça fait partie de la rétribution de participer à cet ouvrage collectif que l'on respecte, que l'on entretient. Oui, tout à fait. Wikipédia, c'est dans le champ de recherche des communs numériques, c'est l'exemple le plus connu, c'est la plus grande réussite. Et il y a, enfin, c'est vraiment aussi, c'est un laboratoire vivant qui permet d'observer une pluralité de phénomènes scientifiques, donc en sciences exactes et informatiques, comme on en parlait avant, avant la pause musicale, mais aussi en sciences humaines et sociales, avec des thèses en sociologie qui étudient les motivations, les profils des contributeurs et la fierté, le bonheur qui est retiré de contribuer à la construction d'un bien commun. Donc faire partie d'une, d'une aventure collective, d'une production collaborative et démontrer que les biens communs sont une alternative à la fois au capitalisme et à l'étatisme qui est complètement viable et... Ça, donc, et agréable. Mélanie Dondrenet vient ouvrir en grand la porte qui était entrouverte depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a, une, il y a un aspect utopie collaborative dans Wikipédia que vient aussi de décrire d'une autre façon dans ses travaux de recherche Léo Joubert, le profil du collaborateur qui fait partie justement de cette grande communauté, de contribuer à cette grande communauté du savoir international, de cette internationale de la connaissance. Allez, allons-y. Oui, alors après, je pense que vous êtes un peu plus modéré. Voilà, peut-être, peut-être, dans le sens où effectivement, certains utilisateurs sont tout à fait dans cette description. Il est probable que d'autres soient plus, par exemple, dans la passion d'un sujet, que d'autres soient plus dans l'envie d'ajouter des photos, de voilà. Donc, je crois qu'il y a quand même une forme de diversité des motivations, mais il est vrai que on a devant les yeux une réalisation assez extraordinaire. Ça, c'est indéniable. Et très interdisciplinaire, bien entendu. Léo Joubert, une question pour vous, justement, dans vos travaux de recherche, dans les entretiens que vous avez menés, il y a cette, cette notion d'engagement politique, de, d'appartenance à une forme, effectivement, d'international de la connaissance, si on dégage le signifié extrêmement politique d'international, mais tout de même. Alors, ça, c'est une question difficile. La plupart du temps, dans les entretiens, on trouve davantage une notion de « je fais partie de la communauté » plutôt que « nous faisons partie d'une communauté ». Et en fait, c'est assez différent. Comme, comme modèle, on est dans une démarche quand même qui est plus individualiste et qui ensuite se trouve un collectif, se trouve un groupe de référence, mais le groupe de référence ne préexiste pas à l'action. Alors, enfin, il préexiste jamais complètement à l'action et il n'est jamais complet avant l'action qui le change. Mais là, sur Wikipédia, c'est particulièrement flagrant. Et on a par exemple des chercheurs comme Nicolas Julien qui parviennent à montrer avec des modèles économétriques que le comportement des Wikipédiens a tout à voir avec un individu rationnel, calculateur, qui en fait est assez loin de la notion de communauté. Et même, on pourrait parler des travaux de Dominique Cardon, qui insiste sur la régulation procédurale de Wikipédia et qui donc dilue la communauté comme lieu de construction des identités substantielles. Mélanie Dulondrenet, une réaction à ça, parce que ça vient un peu froisser votre enthousiasme utopiste autour de cette grande communauté de Wikipédiens qui s'approprie ce bien commun numérique. Bah, pas... Pas tant que ça pas... Non, non, pas tant que ça. Je pense que les deux perspectives sont, peuvent se cumuler et sont compatibles selon si on observe au niveau micro ou au niveau macro. Mmh. Ouais, c'est clair que dans un certain nombre de cas, on a quand même des confrontations d'égo qui se produisent sur Wikipédia, qu'on retrouve dans les pages de discussion autour de sujets un petit peu tendus. Mais je crois que ce qu'il faut noter, c'est que finalement, souvent, ces confrontations, finalement, amènent les Wikipédiens à se dépasser. Et au final, donc, à être... de meilleur en meilleur dans leur participation à Wikipédia. Alors, on va continuer à parler de Wikipédia comme objet d'étude. Hein. Léo Joubert, vous restez avec nous. Hein. Si vous souhaitez intervenir, vous n'hésitez pas jusqu'à la fin de l'émission. On va parler notamment des biais de Wikipédia. Comment se saisir de cet objet dans le cadre d'une recherche universitaire, notamment dans le cadre, pour le coup, de l'histoire des sciences. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au laboratoire Histoire des sciences et de philosophie des archives Poincaré de l'Université de Lorraine. Pour rencontrer Alexandre Hoquet, qui est chercheur et wikipédien également. Sa spécialité, c'est l'analyse du débat numérique. Et sur Wikipédia, il étudie les pages de discussion qui sont rattachées aux articles qui portent à controverse. Il fait de l'ethnographie, en quelque sorte, pour analyser les comportements sociaux à travers une discussion. Alors avec moi, il a pris l'exemple du cas des Femen qui a généré beaucoup de commentaires ces dernières années. Mon matériau en général, c'est les débats et les débats qu'on trouve dans les forums ou dans les mailing lists. Et de ce point de vue-là, Wikipédia, ça s'y prête parce que d'une part, tout est transparent et aussi, effectivement, c'est un lieu où les gens, où la communauté s'exprime, elle débat, elle n'est pas souvent d'accord. Il n'y a pas souvent de consensus, même si le but est de trouver un consensus dans la rédaction des articles. Donc c'est ça qui est intéressant d'un point de vue sociologique. Vous dites que vous faites de l'ethnographie de conversations en ligne, c'est un peu ça ? Oui, c'est les échanges entre les gens qui m'intéressent. Donc déterminer les profils, ce n'est pas aussi facile que ça dans Wikipédia. Puisque par définition, les gens ont un pseudonyme, ils révèlent ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Par contre, il y a un truc qui est transparent et qui définit les gens dans Wikipédia, c'est la somme de toutes leurs contributions. Donc, par exemple, si vous allez sur mon profil, vous savez à quoi je m'intéresse, quels sont mes joueurs de foot préférés, etc. Alors, un de vos sujets d'intérêt, dites-moi si je me trompe, mais c'est un peu étudier la spirale du silence, voir comment une opinion minoritaire peut sembler majoritaire au sein d'un contenu, d'un fil de discussion. Comment vous analysez ça ? Ça, c'est vrai, c'était l'article sur les femelles. C'est à ce moment-là que j'ai utilisé cette théorie de science politique, en fait. Et la spirale du silence, c'est que, effectivement, les gens commencent à se taire quand une voix s'élève. Et que donc, l'article sur les femelles, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il était créé manifestement par des gens qui étaient des militantes ou des militants, mais qui en fait ont très très peu participé aux discussions. Et à partir du moment où beaucoup de gens d'un bord politique complètement opposé aux Femen sont apparus et ont commencé à prendre la parole et à agir sur l'article, en fait, les premières personnes se sont effacées. C'est-à-dire que la spirale du silence, c'est qu'il y a, par souci de non-confrontation, des gens se taisent et donc du coup laissent la place à une autre opinion. Quel genre de mécanisme pourrait se mettre en place pour qu'il y ait une autorégulation ? Ben, c'est pas du tout facile, parce que l'exemple le plus frappant, c'est le gender gap, le fait que le Wikipédia est essentiellement masculine, à la fois dans la représentation des gens qui contribuent, beaucoup plus d'hommes que de femmes, et aussi dans le contenu, puisqu'il y a beaucoup plus de biographies d'hommes que de femmes. Et donc, comment vous le savez par rapport aux contributeurs, vu que c'est des pseudos ? Ouais, c'est pas évident de savoir, et c'est quelque chose... C'est pas évident d'avoir des chiffres exacts, évidemment, mais c'est aussi relativement facile de comprendre que c'est le cas par différentes extrapolations statistiques. Donc la question du fossé des genres, comme on dit en français, c'est quelque chose qui est un vrai souci dans Wikipédia. Les gens qui réfléchissent à comment améliorer Wikipédia, c'est un des sujets les plus chauds. Et donc il y a des gens qui militent, qui par exemple vont essayer de combler ce fossé en proposant des activités ouvertes aux personnes sensibilisées à cause LGBT, par exemple, de créer des événements où on va essayer d'encourager les gens à contribuer. Et de votre point de vue en tant qu'historien des sciences, vous faites aussi un travail d'épistémologue. Est-ce que vous pensez que ces débats sont représentatifs du débat public qu'il peut y avoir dans la vie réelle ? Ça, c'est vu que ma méthode, c'est effectivement d'analyser les débats dans des mailing lists ou des forums, cette question-là, elle se pose tout le temps. Elle est, en quoi ce débat est effectivement le reflet de quelque chose qui se passe dans la société ? Ça pose deux questions. La question de est-ce que c'est représentatif, comme vous le dites ? Bon, la réponse, elle est assez évidente. Il y a plein de gens qui ne le sont pas. Tout simplement, par exemple, femme ou homme, où il y a beaucoup plus d'hommes dans le débat sur Wikipédia, nord ou sud, il y a très peu de gens d'Afrique dans Wikipédia, avec les articles sur l'Afrique, qui sont souvent des articles écrits par des Blancs, en fait. Et il y a la deuxième question, en quoi la forme du débat, c'est-à-dire effectivement écrire des messages dans Wikipédia, change quelque chose à un débat qui serait dans la rue ou à la télé. Et ça a une influence aussi. Tout simplement, par exemple, dans Wikipédia, quand on contribue ou quand on apporte un argument, il faut une source. Il faut une source qui soit vérifiable. Et c'est même une des règles dont Wikipédia est la plus fière. Il y a un côté, du coup, et ça, quand on l'enseigne aux étudiants, c'est hyper formateur. La question du plagiat ou du copier-coller pour les étudiants, elle ne se pose plus. De toute façon, il faut qu'ils trouvent une source. Et trouver une source, c'est quelque chose de pas si évident que ça. Qu'est-ce que c'est vraiment une source vérifiable ? Dans Wikipédia, dans un article de Wikipédia ou dans un autre, ça ne sera pas forcément la même chose selon la thématique de l'article. Le gender gap, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, notamment lié à la neutralité de Wikipédia. Oui, et c'est une question qui est pas seulement dans la question du fossé du contenu des articles ou des contributeurs et contributrices. Il y a aussi la façon d'écrire les articles. Un exemple frappant, c'est les controverses sur le sexe d'athlètes féminines, donc qu'on accuse d'être des hommes. La façon de traiter ces articles est elle-même écrite de manière masculine. Au sens où on considère que oui, non, ces femmes ne sont pas vraiment des femmes, elles devraient être considérées comme des hommes. Il y a là un point de vue qui, selon Wikipédia, devrait être quelque chose de débattu par un souci de neutralité. Mais le traitement du sujet est tellement à la fois controversé et aussi orienté que c'est difficile de trouver des sources qui permettent d'avoir un traitement équilibré du sujet. Donc c'est aussi ça le gender gap, la façon d'écrire. Voilà, Wikipédia comme objet d'étude, et notamment à travers ses biais, on l'a évoqué un peu en pointillé depuis le début de cette émission, cette problématique du gender gap à la fois dans les contributions mais aussi dans les articles de Wikipédia. Aujourd'hui, c'est un sujet, et c'est un vrai sujet complexe qui tend un peu les dialogues qu'il peut y avoir sur Wikipédia, Lionel Barm. Oui, absolument, vous pouvez le dire, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui est lié aussi aux ancrages de notre culture, puisque c'est comme ça dans l'histoire. Il y a plus d'hommes connus, célèbres que de femmes. Donc du coup, comme Wikipédia est représentative, alors ce qu'il faut, c'est évidemment pousser au maximum la création de pages sur les femmes célèbres aussi qui n'ont pas de page, hein, puisqu'il y en a aussi beaucoup. Mmh. C'est bien sûr favoriser la participation des femmes. Bon, évidemment, il y a d'autres facteurs qui créent un déséquilibre, notamment dans les discussions. C'est alors là, qui sont pas liés aux hommes-femmes, mais c'est, par exemple, les gens qui savent très bien rédiger auront tendance dans les discussions à mieux argumenter que ceux qui sont moins habitués. Et il y a aussi, il faut jamais l'oublier, la question du temps. C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup de temps, qui peuvent à 3 heures du matin réargumenter dans une discussion et encore dans la journée suivante, etc., vont avoir tendance à faire ce qu'on appelle du flooding. C'est-à-dire, mm-hmm, tout simplement, ils vont saturer noyer les autres utilisateurs, c'est ce que disait Alexandre Hocquet, qui d'ailleurs est aussi dans notre recueil pour les gens qui s'intéressent à son travail. Une réaction également, Mélanie Dulondrenet, à ce que vous venez d'entendre et oui, à l'étude et de ces biais. Une méthode pour développer la participation des femmes qui est testée dans un projet entre l'université de Strasbourg et le PFL, et de créer des pools, des équipes de contributions, et le fait d'avoir des échanges, et un dialogue, pourrait amener plus de femmes à contribuer, ou alors moins de femmes à partir et à abandonner et à pas avoir envie de continuer à travers des édits, ce qu'on appelle des éditathons, des éditathons, je sais pas très bien comment on prononce, c'est-à-dire des journées ou des moments où on passe justement tous ensemble collectivement du temps pour modifier, pour intervenir sur Wikipédia. Léo Joubert aussi, votre opinion sur ce que vous venez d'entendre et sur la question de ces biais. On a parlé du gender gap qui est un vrai problème, mais aussi on l'a évoqué au long de cette heure, les problèmes notamment nord-sud de contribution, d'occidentalisme de l'ensemble des contributions de Wikipédia. Oui, alors ça, c'est extrêmement intéressant. On voit qu'il y a des projets de Wikipédiens, au-delà même des éditatons, hein. Il y a des projets, je pense par exemple au 100 pages, qui est un projet féministe, qui vise à combler, alors non pas le gender gap dans la participation, mais le gender gap dans la rédaction du contenu, où les biographies de femmes étaient par exemple moins complètes que les biographies d'hommes. Alors, moi, ce que je peux dire avec mon matériau de ça, c'est qu'en général, les gens qui animent ces projets-là, c'est là qui est intéressant et qui rejoint la question d'Alexandre Hocquet sur est-ce que les débats en ligne diffractent finalement les débats hors ligne, on va dire ça comme ça, ces contributeurs qui animent ces ateliers féministes, en fait, sont des féministes de très longue date et trouvent dans Wikipédia un prolongement de leur identité militante. Et évidemment, elles entrent, ce qui est extrêmement intéressant à observer, c'est la polémique avec des contributeurs qui leur reprochent leurs nombreux manquements aux critères d'admissibilité ou des articles, ou bien à la neutralité de point de vue. Et ça donne des débats en fait extrêmement intéressants, puisqu'on voit que c'est là finalement, pour reprendre votre expression du système immunitaire de Wikipédia, c'est comme ça qu'il se construit, dans le débat. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, effectivement, parce que c'est criant sur la question des contributions féminines et du nombre de pages, notamment autour des femmes historiques, des femmes chercheuses, etc. Mais c'est aussi vrai, on l'entendait dans le reportage, pour les questions liées aux minorités. C'est vrai également sur de donner une meilleure place, une meilleure exposition à l'histoire, à la géographie, à l'intégralité de la vie, des savoirs et des connaissances des pays du Sud. Lionel Barbe. Oui, alors tout à fait. Alors, il y a eu une phrase là qui a été jetée un peu comme un pavé dans la mare à Wikimania 2018 à Cape Town. Et il y a un contributeur qui a dit, mais alors je ne sais pas la phrase exacte, mais en gros il a dit, mais vous savez, nous en Afrique, on n'a pas le temps de faire du travail non rémunéré. Voilà, le problème est là, c'est que voilà, il faut qu'on a d'autres priorités. Et donc il a posé la question, mais est-ce que vous envisageriez de rémunérer en fait les contributeurs? Ah, évidemment, c'est, voilà. On tombe carrément dans la boîte de Pandore. Voilà, là c'est bon. C'est... Mais néanmoins, la question n'est pas inintéressante, que de leur point de vue, évidemment, passer beaucoup de temps pour ce genre de choses n'est pas forcément prioritaire. Voyez, et donc ça accentue très certainement le déséquilibre. Oui, Mélanie Dulondrenet. Oui, alors deux points pour rebondir sur l'accès à la culture et au patrimoine du Sud. Un exemple, et aussi la possibilité d'être rémunéré pour contribuer à Wikipédia. En fait, on sait que certaines entreprises le font, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc, ce n'est pas un précédent. Je veux dire, certaines entreprises rémunèrent oui, les gens. Mais dans un autre contexte, là, bien sûr. Mais l'idée, c'est voilà. Si la boîte a déjà été entrouverte, je veux dire, ensuite, on peut l'envisager. Oui, c'est pas quelque chose qui. Manière. Oui, mais l'exemple que je voudrais développer va dans le sens de Wikipédia. Contribution au bien commun. Donc, c'est vraiment dans la vision. Idéaliste dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'exemple des projets GLAM, donc l'acronyme qui veut dire Galleries, Libraries, Archives and Museums. En fait, Wikipédia joue aussi un rôle d'institution de la mémoire, puisque des Wikipédiens vont contribuer à préserver, archiver et diffuser le patrimoine culturel. Et il y a des postes de Wikipédiens en résidence dans des musées, dans des bibliothèques qui vont travailler avec les professionnels de la culture. Et donc, pour boucler avec la question des pays du Sud, un exemple, c'était Amsterdam, le Tropenmuseum, le musée des tropiques, qui contient énormément d'artefacts d'Indonésie. Donc a conduit à les mettre en ligne, et donc des communautés d'Indonésie ont, pour la première fois, sans devoir se déplacer dans le musée du colonisateur, ont pu accéder à leur culture et aussi contribuer, rajouter des titres, des légendes. Il reste, alors on n'aura pas le temps de l'aborder dans le détail parce qu'il nous reste assez peu de temps, il nous reste une petite minute, mais en quelques mots sur cette notion de Wikipédia en tant qu'objet d'étude, en tant qu'objet de recherche, il y a aussi quelque chose, encore une sorte de distorsion de distorsion cognitive en quelque sorte, dans le sens où Wikipédia aujourd'hui est un outil qui est abondé par les chercheurs, qui est utilisé par les chercheurs, et pourtant on se rend compte que dans la publication officielle, Wikipédia est encore assez rarement une source. Lionel Barbe. Oui, alors ça, c'est plutôt normal, en fait, parce que si vous voulez, comme Wikipédia n'est pas une source originale, ce qui va se passer, c'est que les chercheurs ou même les étudiants vont regarder l'article Wikipédia, mais ils vont citer les sources qui sont dans l'article et non pas Wikipédia. Vous voyez ? Donc du coup, en général, Wikipédia est l'intermédiaire qui va sauter, mais qui va leur amener, évidemment, qui va quand même servir de portail, mais c'est les sources à l'intérieur de l'article qui seront cités au final. Il faudra refaire une émission sur ce propos-là, et puis on a un peu laissé de côté effectivement tout l'univers Wiktionary, Wikidata, Wikisource, bref, que vous avez évoqué. Ce sera l'occasion d'une autre émission. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Mélanie Dulondrenet. Merci beaucoup également à Léo Joubert qui était avec nous en duplex depuis les locaux de France Bleu Provence à Aix, qui nous a présenté ses travaux de recherche. Merci Lionel Barbe, Wikipédia Wikipédia, objet scientifique non identifié. C'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Louise Merzeau et Valérie Schaffer aux éditions Presse Univers. Citer de Paris-Ouest, une émission que vous pouvez, comme chaque jour, réécouter à l'envi en vous connectant sur votre appli de podcast préféré ou sur franceculture.fr. Et puis, on est mercredi, comme tous les mercredis, c'est le jour des idées claires, l'autre programme de rétablissement scientifique de la vérité autour des fake news ou de la désinformation. Aujourd'hui, nous avons tenté de répondre à la question un papa, une maman, est-ce que c'est nécessaire pour les enfants? C'est une vaste question. Vous pouvez trouver le podcast sur votre application audio ainsi que la formule vidéo sur les fils Facebook, Twitter de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nomi Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Tob Humdenstock, Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Un mot pour vous dire que demain, nous parlerons d'audition avec Christine Petit, qui est professeure au Collège de France et qui vient d'être primée pour son travail pionnier sur les mécanismes moléculaires et neuronaux de l'audition. Et voilà, rendez-vous demain donc à 16h jusqu'à preuve du contraire.